franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, en partenariat avec le journal Libération, le financement occulte du Parti Socialiste à travers l'affaire Urba. Scandale, affaire, soupçons de corruption, détournement d'argent public, la campagne présidentielle en cours, celle d'aujourd'hui, est à l'image de la place prise ces dernières années par les différentes affaires qui secouent à intervalles trop réguliers la classe politique française. Au premier rang, les soupçons d'emploi fictif de la femme de François Fillon, le candidat des Républicains. Ce dernier clame son innocence, mais il a tout de même reconnu une faute morale et il a présenté ses excuses aux Français au moment d'évoquer l'emploi de membres de sa famille comme collaborateur. Lorsqu'à la fin des années 80 et au début des années 90, l'affaire Urba surgit au cours du second septennat du président socialiste François Mitterrand, l'un des arguments de la défense reprendra les mêmes codes. Oui, il y a bien financement occulte du Parti socialiste, mais voilà, tous les autres partis font la même chose. Et ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Malgré tout, le pouvoir en place tentera par tous les moyens d'étouffer cette affaire de bureau d'études en charge de collecter de l'argent par le biais de fausses factures afin de financer les campagnes électorales et le fonctionnement du PS. Il faudra, comme d'habitude, l'abnégation de la presse, de certains enquêteurs et de plusieurs juges d'instruction pour qu'éclate le scandale Urba et que soit mis en lumière le système trouble du financement des partis politiques. Une affaire qui est aussi celle des grandes premières, car elle provoque le vote de deux lois. Pour la première fois, un parti politique est condamné pour financement occulte et un président de l'Assemblée nationale est jugé pour ses faits. En seconde partie d'émission, nous recevrons Laurent Geoffrin, le directeur du journal Libération, notre partenaire tous les 15 jours. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonob avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Valérie Priolet-Isard, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Slègle, à la technique aujourd'hui Loïc Frapsos. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le 1er février 1989, dans les bureaux de la SRPJ de Marseille, ce jour-là, l'inspecteur Antoine Godineau de la brigade financière ne le sait pas encore, mais la garde à vue de Paul Pelletier, l'homme qui se tient en face de lui et qui est le directeur de la société Sormaheu, fera dans quelques heures basculer sa vie en même temps qu'il déclenchera un feuilleton politico-judiciaire inédit. Tout commence 3 ans plus tôt, en mars 86. Cette année-là, Antoine Godineau enquête sur une petite entreprise locale de travaux publics dont le train de vie du patron, Paul Bernard, est plutôt démesuré compte tenu du chiffre d'affaires de l'entreprise. On découvre qu'il a récupéré plusieurs millions de francs grâce à un système de fausses factures. L'homme est donc entendu. Et il explique que ces pièces comptables ont été établies contre de jolies commissions pour aider des chefs d'entreprise locaux à frauder le fisc. Godineau arrête les différents chefs d'entreprise concernés et presque tous avouent. Mais pour le policier, c'est comme si tous ses patrons gardaient le silence sur les véritables bénéficiaires de leur magouille. Alors, pendant 3 ans, bon an mal an, il continue son enquête et tente de briser l'omerta. Cette enquête le mène à l'audition le 1er février 89 de Paul Pelletier. L'inspecteur n'attend pas grand-chose de cette entrevue. S'il se retrouve face à cet homme aujourd'hui, c'est sur demande de la juge d'instruction Bernadette Auger qui a retrouvé dans le dossier sur Paul Bernard une série de 5 factures à l'adresse de la Sormaheu dont Pelletier est le directeur. La Sormaheu, c'est la filiale marseillaise de la société auxiliaire d'entreprise numéro 1 des travaux publics en France. En somme, une entreprise essentielle pour tout ce qui est construction et infrastructure publique. Et alors, qu'Antoine Godineau commence son interrogatoire, Paul Pelletier, lui, avoue, oui, il a bien fait appel au service de l'entreprise de Paul Bernard pour des fausses factures. Antoine Godineau n'en revient pas. L'homme passe à table, comme ça. La brèche est ouverte, il faut s'y engouffrer. D'abord, pourquoi ce besoin d'argent? Pour lui? Non, répond Paul Pelletier. L'enrichissement personnel n'a jamais été son but. Pour frauder le fisc, alors? Non plus. Ah bon? Antoine Godineau commence à comprendre. Depuis 3 ans, il se doute, sans réussir à le prouver, que ces fausses factures servent à financer les partis et les élus de la région. Alors il va sur ce terrain. Et là, Paul Pelletier répond « Oui, ces fausses factures servent à verser des pots de vin à divers élus pour obtenir des marchés publics. » Voilà. L'inspecteur n'en revient pas. Maintenant, Pelletier peut-il donner des noms ? Eh bien, le directeur de la Sorbonne égrène de mémoire, un à un, les noms d'une vingtaine de personnalités politiques de la région. L'affaire Sormaheu est lancée. Le scandale sur le point d'éclater repose essentiellement sur les déclarations de Paul Pelletier, le PDG de la Sormaheu, qui aurait reconnu avoir copieusement arrosé des élus et des fonctionnaires municipaux de tous bords. Au cours d'une perquisition, les enquêteurs auraient découvert un registre sur lequel apparaît clairement l'identité de ces personnes. Au total, une vingtaine de municipalités sont concernées et les noms de Marseille, Aix-en-Provence, Vitrolles, Toulon ou Avignon circulent. Les pots de vin réalisés grâce à l'utilisation de fausses factures auraient été reversés sous diverses formes. On parle de la construction d'une villa pour un élu, du financement en partie de la campagne d'un député ou encore d'un versement à un journal favorable à un homme politique. Autant de déclarations que va s'efforcer de vérifier le juge d'instruction marseillais. À partir de cette garde à vue de Paul Pelletier, il faut s'imaginer cette affaire comme une pelote dont on tirerait la ficelle qui, au fur et à mesure, mettrait au jour un système de plus en plus vaste et étendu. Mais d'abord une question centrale, puisqu'elle déclenche tout. Pourquoi Paul Pelletier a-t-il décidé de parler ? Eh bien parce qu'il en a assez, tout simplement, oui, assez de participer à un système tacite mais absurde, qui le voit demander à ses ingénieurs de se faire porteur de valises sans être sûr de surcroît que cela suffise à remporter le concours, puisque la concurrence, elle aussi, use des mêmes pratiques. Bref, Paul Pelletier a décidé d'ouvrir la boîte de Pandore. Antoine Godineau sait qu'il tient là une affaire aussi sensible qu'explosive. La mécanique judiciaire se met alors en marche. L'instruction est ouverte et finalement, le 18 février, les inculpations tombent. Dans la liste, on retrouve des élus de tous bords. Jean-Pierre Roux, le maire RPR d'Avignon, Jean-Pierre Perretti de la Rocca, le maire UDF d'Aix-en-Provence et José Mattei, l'un des proches collaborateurs de Michel Peset, le candidat socialiste à la mairie de Marseille. Soupçonné, ce dernier dénonce un coup politique. Quel n'est pas mon étonnement aujourd'hui dans une affaire, qui est une affaire dite, je sais pas quoi, moi, sur des permis de construire, etc., de voir un amalgame fait avec un journal d'il y a 2 ans, 87, où on essaie de dire, eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé entre. Donc je vois vraiment pas ce qu'il en est, ou alors j'imagine qu'effectivement à la veille d'élections municipales aussi importantes que celle de la ville de Marseille, eh bien on essaie de faire des amalgames. Vous comptez attaquer le canard enchaîné ? Oui, je veux dire, vous savez, le canard enchaîné, on sait très bien que c'est toujours difficile de faire un procès au canard. Bien, c'est une tradition de ce pays. Et je préfère un superbe pan sur le bec qu'autre chose. Les principaux partis politiques sont touchés par ce premier acte de l'affaire des fausses factures de la Sormaheu. Pour autant, du côté des policiers, l'enquête ne fait que commencer. Car une question reste entière. Quelles sont les sociétés qui bénéficient de ce système ? En somme, entre l'entreprise de la Sormaheu et les élus, qui joue le rôle d'intermédiaire ? Pour répondre à ces questions, Antoine Godineau se penche sur un nom mentionné par Paul Pelletier au cours de son audition, Urba. Une enseigne derrière laquelle s'abritent différentes sociétés qui se présentent comme des bureaux d'études, dont la mission serait de proposer des services d'expertise et de conseil. Cette société se divise en deux parties. Urba Technique, qui s'occupe de l'assistance technique et commerciale d'entreprises spécialisées dans l'urbanisme, l'architecture et les collectivités locales, et Urba Graco, spécialisée, elle, dans la fourniture d'équipements aux collectivités. Antoine Godineau soupçonne Urba de n'être qu'une façade pour établir les fausses factures sans réellement réaliser la mission d'étude ou de conseil. Le 17 avril 1989, l'inspecteur et son équipe débarquent au siège marseillais d'Urba. Ils sont accueillis par deux hommes, Bruno Desjobert, le directeur régional, et Joseph Delcroix, l'ancien directeur administratif d'Urba, détaché depuis quelques mois sur l'antenne marseillaise. À voir l'attitude des deux interlocuteurs, il faut peu de temps à Antoine Godineau pour comprendre qu'il ne s'est pas trompé. L'inspecteur et ses hommes commencent donc à fouiller les lieux. Et au détour d'un tiroir, ils tombent sur 4 cahiers d'école, la spirale entièrement rédigée à la main. Antoine Godineau commence à les lire, s'arrête, lève les yeux en direction de Joseph Delcroix, comme pour chercher du regard une confirmation. Ce qu'il est en train de lire, confirme-t-il ce qu'il soupçonnait ? Oh, il suffit de voir la mine défaite de Delcroix pour comprendre. Mais oui, bien sûr, l'affaire Sormaheu vient de se transformer en affaire Urba. La découverte de ces cahiers est un coup de théâtre dans l'enquête, car voici ce qu'on lit dans ces fameux cahiers. 20 juin 1986, réunion des délégués régionaux. Gérard Moinat. Nous sommes mandatés par le parti qui a pris des risques politiques pour couvrir nos sociétés. Sans le parti, nous ne serions plus rien. 3 février 1987. Trésorerie. Bonne recette de ce matin. Améliore la trésorerie qui se présentait critique la semaine dernière. Congrès PS va coûter cher. 30 mars 1987. Comme dit Gérard Moinat. Heureusement qu'on a le congrès de Lille. Sinon, on ne saurait pas comment dépenser. Maintenant, il faut penser au présidentiel. Verba volant, scripta maintenant. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Ces cahiers rédigés consciencieusement par Joseph Delcroix relatent réunion après réunion près de 20 ans de financement au culte du Parti Socialiste. Rien de moins. Mais comment fonctionne vraiment ce bureau d'études d'Urba ? Encore une fois, pour le comprendre, il faut remonter quelques années en arrière, en 1972 exactement, date de sa création. Nous sommes un an après le congrès d'Épinay qui a vu François Mitterrand devenir premier secrétaire du nouveau parti socialiste, tremplin pour la conquête du pouvoir. À cette occasion, les socialistes s'en rendent compte, au-delà de la réunion des forces de gauche, de l'adaptation du parti à la Ve République pour arriver au pouvoir, qu'il faut de l'argent et les cotisations des militants ne suffisent plus face à l'inflation des frais que les campagnes imposent désormais. Or, la loi empêche le financement des partis politiques par des entreprises privées. Donc, et c'est un secret de polichinelle, la plupart des partis, notamment les communistes et les gaullistes, usent déjà d'un système de fausses factures. D'après les cahiers de Delcroix, Antoine Godineau peut constater que les financements fournis par Urba représentent le tiers des ressources du PS. Des ressources en tout point illégales, puisqu'il s'agit d'un système qui favorise la corruption et le trafic d'influence autant que les abus de biens sociaux. À la tête d'Urba, on trouve un homme, Gérard Moinat. Et un mois après les perquisitions, lui, Joseph Delcroix et Bruno Desjobert sont mis en examen. Voilà que l'affaire des fausses factures du Sud-Est connaît un nouvel épisode, avec 4 inculpations hier qui frappent à droite comme à gauche à la Masson. Âgé de 66 ans, Gérard Moinat est l'ancien secrétaire général du plus important syndicat de policiers, la FASP. Il est inculpé de corruption, faux en écriture de commerce et usage de faux, complicité et recel d'abus de biens sociaux. Toujours chez Urba Technique, dont il est le PDG, le directeur marseillais Bruno Desjobert et l'ex-directeur Joseph Delcroix sont aussi inculpés. Cette firme, proche du PS, aurait réalisé environ 2,5 millions de francs de fausses factures avec la SAE. Ces 4 nouveaux noms porte à 32 la liste des inculpés dans cette affaire de pot de vin révélée depuis février dernier. Mais pour l'instant, c'est dans le cadre de l'affaire Sormaheu que tout ce petit monde se retrouve inculpé au début de l'été 89. Pour la partie Urba, Antoine Godineau et ses supérieurs envoient leur compte-rendu aux autorités judiciaires et ministérielles et attendent l'ouverture de l'enquête. Du côté des inculpés de Sormaheu, on adopte une ligne de défense claire et limpide. Primo, toute la classe politique connaît et pratique ce système de financement occulte. Deuxio, et là-dessus Gérard Moinat insiste, le Parti Socialiste est de ce point de vue le plus clair, oui, car le système mis en place empêche tout enrichissement personnel. En somme, on a détourné la loi, mais on a respecté la morale. Un argument qui ne suffit pas à l'opinion publique. Depuis plusieurs années, ces derniers mois en particulier, les affaires et les scandales financiers, à droite comme à gauche, s'enchaînent. En réponse, François Mitterrand décide de réagir sur le terrain politique. Deux lois sont votées coup sur coup par la majorité socialiste. La première, le 20 juillet 89, est une loi d'amnistie pour tout délit lié à des élections s'ils ont eu lieu avant le 11 mars 1988. La deuxième, 6 mois plus tard, le 15 janvier 90, est une loi sur le financement des partis politiques. En regardant de près, un amendement s'y glisse qui stipule une amnistie sur les infractions commises avant le 15 juin 89. Les socialistes font là d'une pierre deux coups. Ils se drapent d'une grande avancée législative pour la moralisation de la vie politique, tout en s'exonérant des enquêtes en cours, au premier rang desquelles la plus problématique et la plus emblématique de toutes, Sormaheu et Urba. Où en est-elle d'ailleurs cette enquête ? Autant dire que pour le moment, elle est au point mort, au moins pour la partie Urba. Le rapport d'Antoine Godineau a été envoyé sans grand effet. Pour seule réponse, le policier marseillais apprend le 27 juin 89 qu'il est muté. Visiblement, il gênait. Et Urba est enterré. À l'Élysée et au PS, ordre est donné, Sormaheux peut être jugé, mais Urbain ne doit pas sortir trop sensible, notamment sur le financement de la présidentielle de 88. Bien. Mais c'était sans compter sur l'abnégation de quelques magistrats. Remontés comme des pendules après les lois d'amnistie, ils vont reprendre les choses en main. The people had the right to control their lives and to control their destinies. You can beat me or jail me, or even kill me. But I'm not going to be what you want me to be. Freedom, gotta stay free. On ne les voit pas là où on passe de branche en branche. Ils veulent que nos vies se déplacent en rang. Surtout pas que leur et nos mômes dansent ensemble. Le pire s'amourache et se fréquente sans soupir. Ils prennent nos grosses basses pour des tambours de guerre. Alors ils nous la font perchés sur le mic, on observe et ça les énerve. Tout ce qu'ils attendent c'est qu'on nous muselle et qu'on rentre dans leur rang si possible à grands coups de paix. Tu sais je vis de petits riens, leur gueule de petits saints. Veulent que moi le petit singe devienne un petit chien. À leur guise fasse le beau, donne la patte et la ferme sans dire un mot et rapporte leur balle. Est-ce nos écrits qui gênent? Est-ce une question de gêne? Une culture indigène qu'ils voient comme une chose indigeste. Non désolé, y'a pas de gaine sous ma veste. Juste un cœur qui bat, qui ne veut pas qu'on le prive d'oxygène. En volant des 4x4 avec des grosses basses dans le coffre. On est ces bêtes à 4 pattes qui font changer les modes. Si on voulait, on pourrait même faire pencher le vote. De cette jungle, on irait jusqu'à fissurer le socle, ouais. Ton fils aime nos sons de macaque. Ta fille aime nos sons de macaque. Leur pote aime nos sons de macaque. Alors mange-toi du gros son de macaque. Ouais c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Comme un cerf-volant, on veut prendre les airs. Ici pas trop souvent, on nous somme de nous taire. Ouais, mais ça on sait pas le faire, ça les fout en colère. Alors leurs médias s'en prennent à nos sœurs et nos frères. À l'époque on était ces ados, dans le métro, sautant les tourniquets. On a tué des guns, ah, on a pas tout niqué. C'est juste qu'on était jeunes, sauvages et libres. Nos cris résonnaient dans le quartier. Laisse-moi te dire que nos vies c'est pas de l'eau de coco, poteau. Dimanche 7 avril 1991, Thierry Jean-Pierre, un jeune juge d'instruction du Mans, arrive à Paris devant les locaux du siège national d'Urba, le bureau d'études désormais fermé et qui, depuis 2 ans, est soupçonné d'être le principal rouage du financement occulte du PS. Au moment où ils arrivent, des inspecteurs en civil attendent le juge, sa greffière et les policiers qui l'accompagnent. Ils ont été prévenus de la perquisition par Gérard Monat, l'ancien directeur d'Urba, et ils sont là pour bloquer l'accès. Thierry Jean-Pierre insiste et finit par entrer. Il fait même venir un serrurier et il peut ainsi s'enfermer à l'intérieur de l'établissement. Comment ce jeune juge du Mans se retrouve-t-il à perquisitionner le siège parisien d'Urba ? C'est encore une fois une étrange succession de rebondissements qui conduit ces magistrats sur les traces de cette affaire. Un an auparavant, en juin 90, un accident du travail fait 2 morts sur un chantier près du Mans. Alors que le juge Jean-Pierre, en charge de l'instruction, commence à travailler sur le dossier, il reçoit un appel anonyme qui lui explique que le budget sécurité du chantier était diminué par l'entreprise car celle-ci a dû payer des pots de vin pour s'assurer la victoire de l'appel d'offres. Ce témoin anonyme lui dit qu'un homme souhaite le rencontrer. Il s'appelle Pierre Coicadan. C'est un médecin de la région et un ancien militant socialiste. Au cours de son entrevue avec le juge Jean-Pierre, il lui raconte en détail les grands mécanismes des financements occultes du PS via cette fameuse société Urba. 2 ans après Antoine Godineau, l'inspecteur marseillais, le juge Thierry Jean-Pierre, se plonge à son tour dans le système Urba, du côté de la Sarthe cette fois. À un moment d'ailleurs où l'inspecteur fait reparler de lui. En octobre 90, il publie en effet un livre intitulé « L'enquête impossible », véritable best-seller, dans lequel il raconte les obstructions rencontrées au cours de son enquête et l'enterrement voulu et opéré par les socialistes sur l'affaire Urba. Une publication qui vaut à Antoine Godineau d'être révoqué pour violation du secret professionnel. Il s'en explique. Je viens d'apprendre qu'une décision de révocation va être proposée au ministre de l'Intérieur me concernant. Je constate par conséquent qu'un fonctionnaire qui fait son travail avec impartialité, qui dénonce l'entrave à l'action judiciaire dans un livre, est le seul sanctionné dans une affaire où tous les politiques se sont échappés à des poursuites dans des conditions qui devraient peut-être questionner l'opinion publique. Retour au dimanche 7 avril 91 et à la perquisition au siège parisien d'Urba. Par l'intermédiaire d'un journaliste, le juge Jean-Pierre a reçu une copie des cahiers de Joseph Delcroix qui récapitulait toute l'histoire du financement du PS par Urba et dont nous avons parlé en début de récit. À partir de ces différents éléments, le magistrat passe à l'offensive. Le 6 avril, il inculpe Christian Giraudon, le responsable d'Urba Technique pour les Pays de la Loire. Et le lendemain, donc, il perquisitionne les locaux parisiens d'Urba. Mais alors qu'il commence sa fouille, un fax arrive. Le juge s'avance pour lire le papier, et là, il découvre qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'un document manuscrit de la présidente du tribunal de grande instance du Mans qui lui annonce son dessaisissement d'affaires sur le champ. Le lendemain, il réagit vivement. Estimez-vous que dans cette affaire, l'appareil judiciaire est bloqué pour raison d'État ? Évidemment. Évidemment, on ne dessaisit pas un juge un dimanche après-midi sur le fondement de l'article 84, qui est un détournement de procédure évident, s'il n'y a pas un quelconque secret d'État ou tout au moins des pièces importantes à trouver. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux affirment que l'affaire Urba sera jugée. Est-ce que c'est aussi votre avis ? Ça, c'est un cas typique de désinformation. Parce que ce qui va être jugé, c'est pas du tout l'affaire Urba. C'est l'affaire Sormaheu, dans laquelle apparaît trois personnes qui font partie d'Urba Technique. Ce qui représente une toute petite partie de l'activité d'Urba Technique à Marseille seulement. Ça n'a rien à voir avec l'affaire Urba, puisque ça s'appelle Urba Technique. C'est l'affaire Sormaheu qui va être jugée, pas l'affaire Urba. Inévitablement, ce rebondissement provoque un scandale politique. Le 9 avril 1991, dans l'hémicycle du Palais Bourbon, c'est l'affrontement. Pour la droite, comme pour les communistes, c'est clair, on est bien face à une ingérence du gouvernement dans cette affaire. L'atteinte portée à l'indépendance de la justice est particulièrement grave. Pour la majorité socialiste, le juge aurait agi avec parti pris. Georges Kechban, le ministre délégué du garde des Sceaux, accuse même la droite d'avoir orienté le juge Jean-Pierre. Vous ne pouvez pas, sous prétexte de défendre un jeune juge que certains d'entre vous ont égaré, vous ne pouvez pas, au prétexte de le défendre, bafouer une décision de justice rendue par un magistrat du siège qui est la présidente du tribunal du Mans. Vous dites que vous vous intéressez à la justice, vous dites que vous vous intéressez à l'institution parlementaire. Alors cessez ces jeux stériles. Et ne prenez pas prétexte d'une affaire, quelle qu'elle soit, pour aller vers le résultat contraire de celui que vous prétendez atteindre. En tout cas, je vous le dis, le gouvernement, lui, ne se prêtera pas à vos jeux. En face, c'est le député Charles Millon qui répond. Monsieur le ministre ne peut s'appuyer sur des fausses allégations, sur des mensonges ou sur des suspicions pour proférer des accusations. Il est allé dire tout à l'heure que certains d'entre nous avaient égaré le juge Jean-Pierre. Il est allé préciser que nous avions des liens spéciaux avec le juge Jean-Pierre. Je dis au ministre, soit il démontre ce qu'il vient d'affirmer, soit autrement il nous doit des excuses. Il est en train de confondre la démocratie avec simplement une cour de règlement de compte. Quelques jours plus tard, la Cour d'appel d'Angers estime que la procédure menée par le juge Jean-Pierre est conforme au droit et que rien ne justifie son dessaisissement. L'enquête peut et doit donc être poursuivie. La justice tient ainsi à marquer son indépendance, mais sans le magistrat qui reste même dessaisi du dossier. Dans l'intervalle, en novembre 91, s'ouvre à Paris le procès de la Sormaheu, l'affaire par laquelle tout avait commencé en 1989. 9 personnes sont poursuivies, dont Gérard Monnat, le directeur de la société Urba. 9 personnes, oui, et non plus la trentaine, comme au départ. Car les élus, couverts par l'amnistie votée opportunément un an plus tôt, échappent à la justice et donc aux sanctions. pour les juges, pour l'opposition et pour la gauche également, cette histoire ne pouvait pas en rester là. Il fallait un dernier acte. Il arrive quelques mois plus tard, au début de l'année 92. C'est une première qui a eu lieu hier au siège du Parti Socialiste. Le parti au pouvoir a eu la visite d'un juge pour faire une perquisition, ce qui n'était jamais arrivé, au moins depuis la guerre. On pensait que l'affaire Urba sur le financement occulte du PS rimait avec enterrement. Pas du tout, elle rime avec rebondissement. Le juge Renaud von Rimbeck est resté pendant 7 heures rue de Solferino et il est parti avec un certain nombre de documents emballés dans des petits sacs poubelles. Il était accompagné d'un greffier et de deux officiers de police. Il a regardé les factures et il a aussi emporté un fac-similé détaillé des carnets de Joseph Delcroix, l'ancien directeur administratif d'Urba, qui avait tenu ses comptes bien méticuleusement. Et dans la soirée, le responsable de la trésorerie du PS, Laurent Azoulay, a lu un bref communiqué. Le Parti Socialiste constate, avec beaucoup d'étonnement, le déroulement d'une procédure conduite pour la première fois depuis de longues années au siège national d'un parti politique. Décidé à une totale transparence, il n'a rien à cacher à la justice, mais n'entend pas être victime d'une démarche qui serait de nature partisane. Ce 14 janvier 1992, le juge d'instruction René Renaud van Rimbeck frappe un grand coup. C'est lui qui, quelques mois plus tôt, a hérité du dossier Urba. Et van Rimbeck est bien décidé à mener jusqu'au bout cette instruction. En plus du siège du PS, le juge décrète également la perquisition de la sagesse. S-A-G-E-S. Au moment de reprendre l'enquête Urba, Renaud van Rimbeck découvre cet autre bureau d'études de la sagesse, à la tête duquel on trouve un certain Michel Rett. Ancien steward d'Air France, militant socialiste de toujours, Michel Rett a créé sa propre filière de collecte de fonds. Il s'appuie notamment sur son réseau franc-maçon, avec un objectif clair, concurrencer le système Urba et faire venir à lui les élus qui s'estiment lésés ou ne profitent pas du système central, l'IPS. Au cours de son audition par le juge, Michel Rett avoue et donne la liste des différents bénéficiaires de la sagesse où l'on retrouve la plupart des chefs de courant minoritaires du Parti Socialiste comme Claude Évin, Jean-Marc Ayrault ou encore Michel Rocard. Inévitablement, cet énième rebondissement replace l'affaire Urba Sagesse au cœur de l'actualité et les ténors de l'opposition attaquent de nouveau le pouvoir en place. Parmi eux, Jean-Marie Le Pen, le président du Front National qui dénonce le système. Quand la violation de la loi est organisée, au plus haut niveau et descend sur le pays comme une véritable pyramide, il s'agit d'une organisation délictuelle ou même peut-être criminelle. Et l'archétype de cette organisation, c'est la mafia. Monsieur Emmanuelli, comme avant lui Monsieur Nallet, ont été des trésoriers du Parti Socialiste et tout le monde sait, parce qu'ils l'ont avoué eux-mêmes, que le Parti Socialiste finançait ses activités politiques par un véritable racket. Je trouve assez navrant, pour ma part, que des insinuations ou des informations de ce genre soient diffusées au mépris du secret de l'instruction. Mais encore une fois, ce n'est pas nous qui nous sommes rendus coupables de ce dérapage, et c'est à ceux qui s'en sont rendus coupables de donner des explications. Pendant ce temps, le juge van Rimbeck avance, et il lui apparaît qu'au cœur du système Urba, le trésorier du Parti Socialiste de l'époque doit être inculpé. Non pas pour enrichissement personnel, mais parce que c'est bien par lui que l'ensemble du mécanisme passe entre les élus et les différents bureaux d'études, que ce soit l'Urba ou la Sagesse. De 1988 à 1992, le responsable des finances du Parti Socialiste, c'est Henri Emmanuelli, qui vient d'être élu président de l'Assemblée nationale. Au début de l'été 92, Renaud van Rimbeck avertit le procureur général de Rennes qu'il compte bien inculper Emmanuelli. Le 10 juillet, la veille du congrès du Parti Socialiste à Bordeaux, l'information sort dans la presse. Un congrès au cours duquel les socialistes font bloc derrière le député des Landes. J'ai toujours, mes camarades, et vous aussi, été respectueux de la justice de notre pays. Mais cette fois, j'exprime sur la méthode et sur le fond ma surprise et mon indignation devant le coup monté contre Henri Emmanuelli et contre le Parti Socialiste tout entier. Laurent Fabius descend alors du haut de la tribune, au-dessus de laquelle sont accrochées 21 photos de points d'hommes ou de femmes, tenant chacun une rose. Et pour refuser ce que tous analysent comme un mauvais coup, un acharnement de la justice, le premier secrétaire en appelle à une autre image symbolique. Que vienne à mes côtés Lionel Jospin, Pierre Mauroy, Henri Emmanueli, pour qu'on comprenne que nous sommes unis face à l'épreuve et qu'il y a des choses que nous n'accepterons pas. C'est désormais vers Henri Emmanueli que tous les regards se tournent. Du côté de la majorité socialiste, on dénonce une justice spectacle et une injustice, la mise au ban d'un homme pour une responsabilité collective. Même à droite, de nombreux députés apportent leur soutien à leurs collègues landais. Le monde politique fait bloc face à l'offensive de la justice. Mais l'opinion, elle, ne s'y trompe pas. Dans un climat empoisonné par les affaires politico-judiciaires, la cote de popularité de François Mitterrand et du Parti Socialiste dégringole. Le juge Van Ruynbeck, lui, continue son instruction. Et le 22 janvier 1993, il remet au procureur général un impressionnant dossier de 20 volumes dans lesquels il détaille tout le système des bureaux d'études et du financement occulte du Parti Socialiste. La procédure judiciaire s'enclenche. Le 8 juillet 1993, Henri Emmanueli et la quasi-totalité des personnes inculpées, dont Gérard Monnat et Michel Reit, sont renvoyés en correctionnel. Le procès d'Urbain-Sagesse s'ouvre en mars 1995, 2 mois avant la présidentielle. Le verdict tombe 1 semaine après l'élection de Jacques Chirac. Henri Emmanueli est condamné à 1 an de prison avec sursis pour recel de trafic d'influence. Une sanction confirmée et même alourdie 1 an plus tard, puisqu'il est aussi privé de ses droits civiques pour 2 ans. Touché comme presque coulé, Henri Emmanueli réagit vivement. La vérité, c'est que j'ai du mal à comprendre. Je me demande quel crime j'ai commis pour mériter quelque chose que j'ai du mal à concevoir et qui ferait de moi quelqu'un qui n'a même plus le droit de voter, qui n'est plus français, quelqu'un qui n'a plus le droit d'être élu. Je sais pas, quelque chose de bloqué, j'ai besoin sans doute de temps, mais ça je dis non. On m'en a déjà fait pas mal. Je n'accepte pas cette marque d'infamie, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il aura donc fallu près de 7 ans pour que l'affaire du financement occulte du Parti Socialiste soit enfin jugée et les coupables condamnés. 7 ans durant lesquels les enquêteurs, la presse, les juges d'instruction auront insisté, relancé, attaqué pour que ce dossier ne tombe pas aux oubliettes. Une affaire qui aura eu le mérite de mettre en lumière les dérives d'un système qui jusque-là nageait confortablement dans un flou juridique et même une absence de règles dont beaucoup profitaient. L'affaire Urba inaugure ainsi la nécessaire transparence de la vie politique française et elle rappelle avec force que l'indépendance de la justice et de la presse sont les rouages essentiels au bon fonctionnement de la démocratie. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Urba avec Laurent Geoffrin, notre invité. Bonjour Laurent. Bonjour. Directeur du journal Libération, notre partenaire tous les 15 jours. Ça fait maintenant deux ans que fonctionne absolument notre petite affaire. C'est un plaisir. En toute transparence. Toujours renouvelé. Bien. Revenons tout d'abord au système de financement des partis politiques. Finalement, jusqu'à cette affaire Urba, bien le flou règne autour du financement. Tous les partis utilisent des systèmes de la sorte, hein, ou peut-être d'autres, pour financer leur campagne. Mais comment expliquer l'inflation du prix des campagnes? Qu'est-ce qui se passe qu'à un moment il faille financer au-delà de ce que l'État peut donner, quoi, aller chercher de l'argent? Pourquoi ça devient aussi cher? Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux raisons. La première, c'est que à partir de 1965, donc la campagne de Mitterrand, Tixier-Vignancourt, de Gaulle, on s'aperçoit qu'on a besoin d'américaniser la chose. On croit avoir besoin d'américaniser. Le Canuet, par exemple, qui était candidat en 65, était comparé à Kennedy, c'est le Kennedy de Rouen, du Bocage. Il était maire de Rouen, absolument. Et effectivement, il a fait une campagne d'image, etc. Et ça coûte de l'argent, parce qu'il faut faire des films, il faut des conseillers en communication, il faut multiplier les affiches. Et donc ça coûte. Ça coûte plus cher que ce que les partis étaient habitués à financer jusque-là. Il y a un autre mécanisme. Alors, il faut se mettre à la place d'un candidat député, un jeune candidat député. Bon, il se présente dans une circonscription. Il est d'un parti, X, et puis le candidat d'en face, qui est le parti Y, il couvre la ville d'affiches. Donc le candidat qui n'a pas beaucoup d'affiches, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment je vais faire? Je vais me faire écraser, là. Il met des affiches partout, il finance des meetings, etc. Et moi, j'ai pas l'argent, donc je peux rien faire, etc. Il faut que je trouve un système. Et en général, comme c'est pas des gens très riches, et comme le parti, lui, est un peu impécunieux, il faut qu'il trouve un système. Et donc, il faut se débrouiller. Alors, à l'époque... là aussi, c'est un élément de contexte important pour l'affaire Urba, c'est que le parti gaulliste, oui, et les partis de la majorité, ils étaient aux manches depuis longtemps, depuis 58. RPR et UDF. RPR, UDF, là, ils étaient aux manches depuis 58, de manière ininterrompue. Alors, quand vous êtes dans l'appareil d'État, c'est quand même plus facile. C'est tout aussi délictueux, hein, mais c'est plus facile. D'abord, il y a les fonds secrets de Matignon que vous pouvez utiliser. Et puis, vous passez toutes sortes de marchés, donc c'est facile de dire, bon, bah, dis donc, mettez un peu de côté pour le parti. Et puis, comme c'est des partis de droite, qu'en face, il y a la gauche, il y a le Parti communiste, le patronat a peur. Et donc, le patronat finance beaucoup la droite, un petit peu la gauche pour la faire taire, mais beaucoup la droite. Et donc, quand vous êtes le premier secrétaire du Parti socialiste, comme Mitterrand, en 71, il arrive. Jusque-là, le Parti socialiste se fondait sur des grandes municipalités qui avaient leur propre système. Et lui, il n'a pas de municipalité, il est obligé de financer ses propres campagnes ou celles de son parti avec des systèmes inexistants. Et il a en face de lui les gaullistes qui bénéficient de l'appui de l'appareil d'État et le Parti communiste qui, lui, a ses propres circuits. Alors, c'est des circuits qui ressemblent d'ailleurs à ceux d'Urba parce qu'ils ont un bureau d'études. Le bureau d'études fait des études pour les municipalités qui sont surfacturées, comme ça l'argent tombe dans les caisses du parti. Le Parti communiste avait un autre système qui était des maisons d'édition, ils avaient la fête de l'UMA qui rapportait de l'argent, et puis ils faisaient employer les permanents du parti par les municipalités communistes, qui étaient nombreuses et prospères, enfin relativement prospères, et puis ils avaient encore un autre système que tous les autres partis trouvaient absolument honteux, ils avaient leurs comptes à la Banque commerciale de l'Europe du Nord, qui est une banque en fait soviétique. Et donc c'était pas l'or de Moscou, mais quasiment. Et tout le monde sait maintenant que effectivement le parti se débrouille, il avait des prêts pour pas cher, etc. Et de l'argent probablement. Enfin, ça a été dénoncé par un journaliste qui a décrypté le système. Donc le parti disait, PS avait rien. PS disait, mais alors comment on est? D'accord. On est des bleus, on est des nuls, on n'a pas l'argent, on est militants, mais alors ils sont pas si nombreux que ça. Et puis alors ils collent des affiches, mais alors les autres en face. C'est un déferlement de propagande, c'est honteux. Il faut qu'on trouve un système. Et c'est Mauroy, à mon avis, je crois savoir que c'est Mauroy, et qui connaissait déjà un peu la musique depuis longtemps, qui fait monter, avec l'accord de Mitterrand, le système Urba. C'est tout simple, on fait une société de conseil, une vraie, hein, je ne pourrais pas une fausse, une vraie, qui fait des rapports aux municipalités. Vous pourriez implanter tel ou tel équipement à tel endroit, alors on vous fait les études, tout ça. Et puis, cet Urba travaille avec toutes les municipalités du parti, contrôlés par le parti, lesquels disent discrètement aux fournisseurs des municipalités, bon, bien entendu, évidemment, vous avez gagné l'appel d'offres, mais mettez 2%, pas une somme énorme, enfin, au bout du compte, ça faisait des sommes importantes, oui, mais c'est sur des gros montants. Voilà. Hein. Alors, sur le chauffage des lycées, bon, 2%, sur les cantines, 2%, etc., etc. Et cet argent tombe dans les caisses d'Urba, on fait des comptabilités fausses, et le parti se finance comme ça. Et alors, il y a un paradoxe dans cette affaire, c'est que quand vous montez un système comme ça, il y a ce que moi j'avais parlé avec un trésorier gaulliste, il disait, le problème c'est l'évaporation. C'est-à-dire, exactement, c'est ce que je dis, mais c'est-à-dire, mais voilà, quand vous, c'est en billets, donc vous, l'entreprise donne à l'agent de la société de conseil, qui en fait est du parti, des liasses. Donc il lui donne, je sais pas, 25 liasses. Oui. Le type prend le métro, quand il arrive, il n'y en a plus que 20. Oui. C'est embêtant. Ça s'est évaporé. D'accord. Donc il faut mettre quelqu'un d'une honnêteté scrupuleuse. Hein? Parce qu'il faut être honnête dans la malhonnêteté. En gros. Exactement. C'est comme le comptable de la mafia, il n'a pas intérêt à faire d'erreur. Parce que autrement, il lui arrive des ennuis. Quoi. Bien sûr. Donc le comptable, lui, il est absolument rigoureux. Et là, c'est pareil. Donc ils ont mis un type absolument inattaquable, qui s'appelait Gérard Monat, donc qui était un ancien syndicaliste policier, qui vivait dans un petit pavillon de banlieue d'une manière absolument modeste. Et c'est lui qui surveillait tous les comptes et qui faisait attention. Et là, ils ont mis Emmanueli, qui est un combattant, un rigoureux, qui a jamais pris un centime pour lui, mais qui a organisé tout le système. Puis ils en ont mis d'autres, etc., Nallet, etc. Et donc ces gens-là étaient effectivement honnêtes du point de vue du parti, mais non, malhonnêtes du point de vue de la loi, puisque tout ce système est totalement illégal. Alors, on a passé pas mal de temps, mais merci oui. Laurent Geoffrin. Non, parce que l'explication était très intéressante. C'est trop long, non, c'était pas trop long, c'était justement très intéressant. C'est rare comme ça qu'on laisse la parole 5 minutes de suite à un invité. Bah, quand il nous raconte des choses intéressantes, pourquoi le couper, hein? Autre chose, alors, l'argument, c'est de dire, oui, mais tous les autres le font. Bon. Oui, mais c'est un faux argument, évidemment. Évidemment, parce que. C'est ce que disent les cambrioleurs. Le cambrioleur, il est pris la main dans le sac avec un chalumeau. Oui. Et monsieur le commissaire, vous comprenez, des gens qui font des cambriolages, il y en a 300, pourquoi ça tombe sur moi? Oui, mais on vous a pris sur le fait, vous n'avez pas de chance. Alors, on a donc à partir. C'est pareil. C'est pareil. On a donc à partir de là essayé de moraliser la vie politique, le financement des campagnes. Est-ce que le travail législatif qui a été fait vous paraît suffisant? On progresse. C'est asymptotique. On n'arrive jamais au bout, mais ça a progressé. Au début, c'était absolument honteux. Là, parce que l'affaire Urba, c'est la mère de toutes les affaires de financement. C'est une matrice, hein, vraiment. On voit tous les personnages, hein, et on voit tous les mécanismes. Comme le parti était au pouvoir, du coup, là, l'affaire est sortie quand le PS était au pouvoir. Donc le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice et le Premier ministre et le Président, ils savaient tout. Urba, ils savaient parfaitement ce que c'était. Donc il faut bétonner, là. On est pris la main dans le sac, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va nier, alors on commence par nier. Problème, les juges, ils ont les documents. Ah, on peut plus nier, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va essayer d'empêcher les juges et les policiers de travailler. Alors donc, c'est simple, le ministre de l'Intérieur dit, dis donc ce Godinot, là, qui est à Marseille, ce petit crétin là, qui nous emmerde, mettez-le la circulation, quoi. Enfin, comment on dit. Et hop, il déplace Godinot. Après, ouais, le juge Jean-Pierre, mais qu'est-ce que c'est que ce type, c'est un trotskiste, paraît-il, bon, il nous emmerde, etc. Donc, on l'empêche d'enquêter. Là, ils l'ont dessaisi. Et après, Kiechmann, bravement, monte à l'assaut à l'Assemblée. Il sait très bien de quoi il s'agit. Il sait très bien que c'est une entreprise totalement illégale, que le juge Jean-Pierre a parfaitement raison, et que c'est honteux de l'avoir dessaisi. Mais il va à la tribune de l'Assemblée et il dit « C'est la droite qui nous attaque d'une manière honteuse, et les juges partisans, etc. » Comme Fillon aujourd'hui, c'est pareil. Les juges, c'est une manip de l'opposition, les juges sont contre nous, les policiers, évidemment, ils ont leur carte d'un autre parti, donc ils nous en veulent. Etc. On raconte n'importe quoi, en fait, n'importe quoi. Pour essayer de noyer le poisson, parce qu'il y a noyer le poisson qui est visible comme à l'œil nu. Sauf que ça marche plus. Ça marche moins maintenant parce que les juges. On le voit avec, ouais. Avec Monsieur Fillon et ses attaques contre la presse, contre la justice. Maintenant, ça commence à ne plus fonctionner. C'est que les juges, il y a une nouvelle génération de juges, notamment de juges d'instruction, qui étaient mal embouchés, plus mal embouchés qu'avant, et qui ont dit, mais non, nous, on va faire notre travail. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, nous, on continue. Et pour se protéger, ils s'arrangeaient, pas eux personnellement, mais ils s'arrangeaient, pour que les documents compromettants sortent dans la presse. Parce qu'une fois que c'était dans la presse, c'est difficile de l'étouffer. Tant que c'était pas dans la presse, On dit, bon, on va dessaisir le juge, on va déplacer le flic, on va l'accuser d'eux, etc., etc. On va le menacer. Hein. Mais une fois que c'est dans la presse, c'est trop tard. Donc ça sortait dans la presse. Alors, il y a une autre dimension, alors, elle est pour le coup complètement politique, entre la droite et la gauche. Et avant d'aller plus loin, on va parler de morale et écouter une archive. Alors, qui date de 1985, je suis sûr, Laurent Geoffrin, que vous vous souvenez de cette déclaration. C'est Laurent Fabius, qui est alors le jeune Premier ministre que François Mitterrand a donné à la France. Et il explique ce qui, selon lui, sépare la gauche de la droite. À l'heure actuelle, il y a pas mal de brouillage de notions. Et qu'auparavant, on avait le sentiment qu'il y avait des choses très très clivées, très séparées. Et que sur certains points, il y a des rapprochements. Mais cela étant dit, je crois qu'il y a quand même deux ou trois grands principes qui séparent la gauche et la droite. Premier principe, égalité des chances. Deuxièmement, solidarité. Troisièmement, là c'est plus complexe et j'hésite presque à en parler, je crois que dans l'action qui est la nôtre, il y a une certaine recherche d'exigence morale. C'est très difficile. Et pas chez vos adversaires ? Si, je vais y venir. C'est très difficile parce que quand on mène une action politique, très souvent on bute sur la réalité. Exemple, les ventes d'armes. Exemple, on en parlera peut-être, cette affaire Greenpeace. Bon. Je ne veux pas dire du tout que l'ensemble des électeurs de droite ne partagent pas cela, ce serait complètement erroné. Mais quand je regarde, si vous voulez, les tempéraments au plus profond d'eux-mêmes, je crois que égalité des chances, solidarité, exigence morale, ce sont trois éléments qu'on retrouve vraiment au plus profond de la gauche et qui peuvent, bien sûr, rassembler beaucoup d'autres gens qui ne sont pas de gauche. Saisissant quand même cette déclaration, oui. Parce que au moment où il fait cette déclaration, effectivement, il peut dire bah voilà, la gauche c'est la morale, la droite c'est pas la morale, parce que la droite est au pouvoir aussi, la gauche n'est pas au pouvoir. Elle est saisissante. Il y avait une disparité dans la mesure où effectivement il y a eu le gaullisme immobilier, il y a eu les affaires de Barbouze, il y a eu plein d'affaires un peu louches qui ont tourné autour du RPR qui était au pouvoir. Et comme la gauche n'était pas au pouvoir, elle avait moins d'occasion de faire des bêtises ou des choses illégales. Et alors, une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, ça a été différent. Mais il faut comprendre leur mécanisme. Hein. C'est pas des ripoux. Hein. Enfin, il y a des ripoux parmi eux. Mais parmi ceux qui organisaient tous ces systèmes, là, qui s'en mettaient une partie dans la poche, c'était l'évaporation dont je parlais. Mais le raisonnement est le suivant. Il dit, voilà, notre politique est moralement supérieure à celle de la droite, puisqu'on est de la gauche. Donc on est plus solidaire, on est plus égalitaire. Mais on n'est pas armes égales, puisque les autres, ils ont de l'argent, nous, on n'en a pas. Donc la morale nous commande de trouver de l'argent. Mais on ne peut pas le trouver légalement. Donc la morale nous commande de faire des choses illégales. Eh bien, on va le faire. Et donc, en toute bonne conscience, il considérait qu'il ne faisait que se défendre contre une situation qui leur était injustement défavorable. C'est pour ça que vous avez Emmanueli qui a la voix complètement cassée, qui dit on veut me condamner à l'indignité, j'aurais plus le droit de vote, j'aurais plus le droit de me présenter, etc. Quand vous vous rendez compte, alors que sous-entendu que j'ai rien fait. Si, il a fait des choses. Enfin, lui personnellement, je ne sais pas, mais enfin, le système était globalement illégal. Donc, et puis il y a un dicton, c'est simple, voler pour le parti, c'est toujours voler. Puisque c'est contre la loi. Donc, il n'y a pas de question. Alors, on peut faire un distinguo moral. On dit, oui, mais il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Oui, mais vous parlez d'évaporation quand même. Est-ce que l'évaporation, ce sera un élément d'enrichissement personnel? Ça peut l'être. Ça l'est, en général. C'est des gens qui détournent une part. Parce que comme il n'y a pas de reçu, il n'y a pas de comptabilité, il n'y a pas de commissaire aux comptes. Donc, eh bien, l'argent, personne ne peut savoir exactement combien un tel a donné, l'autre a reçu, etc. Donc, il y a des dérivations. Mais c'est pour ça qu'ils choisissaient des gens extrêmement rigoureux, qui étaient les gens dont Monnat est le prototype. Mais il y en avait d'autres qui l'étaient beaucoup moins. Alors, il y a l'autre cas de figure qui est de dire, enfin, c'est même pas l'autre cas de figure, et on le revoit encore avec François Fillon sur « Mais tous les députés font ça ». Alors, il est temps de sortir de là, parce que l'opinion publique ne s'y trompe pas. Quand il y a une affaire, on a beau dire « Oui, mais les autres le font aussi, ça fonctionne pas ». Pourtant, il y a quelque chose qui semble assez frappant aujourd'hui, c'est que les affaires et les soupçons autour du Front National, là, en ce moment, semblent, ne pas toucher les électeurs du Front National. Pourquoi ? C'est difficile à dire, à mon avis, parce que le vote Front National, c'est un vote affectif, enfin, qui est fondé sur l'affect, sur une colère, ou sur une détestation, ou sur une adhésion, un patriotisme un peu fiévreux, comme ça. Et donc, y a la part de rationalité là-dedans est probablement, je fais l'hypothèse, hein, moins forte que dans d'autres, pour d'autres partis où l'adhésion est plus froide. Et donc, les gens se disent, évidemment, ils ont monté une affaire contre le Front National parce qu'ils veulent l'empêcher d'arriver au pouvoir parce que c'est nos idées qui dérangent les bien-pensants, qui dérangent l'establishment, qui dérangent le système, etc. Donc, ils sont prêts à tout. Donc, tout ça est monté. Je pense que c'est pour ça que ça marche pas. C'est que les lecteurs du Front National se disent, de toute façon, ils sont tous pareils. Au moins, le Front National, il nous défend. Mmh. Et savoir si le Front National est moral ou pas, ça passe au second plan. De toute façon, il nous défend. Ils disent tout haut ce que nous, on pense tout bas. Enfin, moins en moins bas, d'ailleurs. Et donc, c'est ça le mécanisme. C'était pareil pour le Parti communiste, dans le temps. Vous aviez des élus vieux militants, humainement formidables, solidaires, etc., qui truquaient les élections. C'était le vote révolutionnaire, on appelait ça. Le vote révolutionnaire, c'est on truque le suffrage, carrément. Alors, concernant maintenant François Fillon, quel est votre regard global sur la façon dont il a géré cette affaire? Parce que on a l'impression qu'il s'en est quand même sorti, mais qu'il a, si je peux me permettre cette expression familière, perdu des plumes quand même dans cette affaire. Hein. Il était quand même avant cette affaire, on lui donnait près de 30% des sondages. Oui. Enfin, mais c'est énorme. Certains aspects de son programme. Certains aspects de son programme. Ça avait commencé avant, avec la sécurité sociale. On nuit à sa cote de popularité. Mais je dis franchement ce que je pense. Hein. Je pense qu'il aurait dû se retirer depuis le début. Parce que il aurait des... quand le canard enchaîné sort l'affaire... Le lendemain, normalement, Fillon doit monter une télé pour dire « Écoutez, voilà, vous m'accusez d'emploi fictif, d'usage d'emploi fictif. Voilà le rapport qu'a fait ma femme. Voilà la note qu'elle a produite. Voilà les 12 témoins qui montrent qu'elle est intervenue pour aider tel ou tel électeur dans ses rapports avec l'administration, ce que font les assistants de parlementaires locaux. » Et seulement, il n'a produit rien de tout ça. Or, dans ce type d'affaires, on le voit bien dans les fausses factures urbaines, c'est pareil, le policier dit, le policier de la brigade financière dit, il y a une facture, vous touchez de l'argent, où est la prestation? Je ne l'ai pas trouvé, dit le policier. J'ai cherché partout, j'ai pas vu. Il n'y a pas de pièces, il n'y a pas de témoins, il n'y a rien, ça n'existe pas. Donc, démontrez-moi qu'il y a une prestation. Et si la personne en cause n'arrive pas à démontrer qu'il y a une prestation, le dossier est renvoyé à un juge d'instruction et ensuite au tribunal, qui ensuite juge de manière approfondie les choses. Mais comme Fillon n'a pas produit les documents en question, et surtout comme son épouse, qui est parfaitement respectable, pareil, c'est pas la question, mais elle a dit elle-même 10 fois, non sollicitée sur ces questions-là, elle a dit 10 fois, mais moi je travaille pas. Mais vous imaginez si il faudrait que j'aille à l'université, ça me donnerait une occupation, parce que sous-entendu je ne fais rien sinon m'occuper de ma maison. Donc elle s'est accusée elle-même. Alors ça sera le mot de la fin. J'allais vous demander, imaginons que François Fillon soit élu et que sa femme, pendant qu'il est élu, soit condamnée. Ça serait quand même étrange comme situation. Mais d'abord on n'en est pas il là. Il a et une puis ensuite, immunité. On, pas le temps de commenter. Voilà. On dira que c'est un complot. Bien, merci beaucoup Laurent Geoffrin. À bientôt, à la prochaine fois. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Urba, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous nous pencherons sur le sort des damnés de la terre et de la mer, en l'occurrence, les migrants, victimes des passeurs, des drames à répétition au large des côtes italiennes. Bonjour Vincent Jos. Bonjour Fabrice. Que nous proposez-vous aujourd'hui? Un claveciniste et pas des moindres. Même s'il a 25 ans, il a déjà enregistré 3 disques, il tourne beaucoup et il sort un formidable disque consacré à la dynastie des Bach. Il n'y a pas simplement que Jean-Sébastien, il y a aussi quelques-uns de ses enfants qui ont écrit des œuvres très importantes et il les ressuscite avec son clavecin, Jean Rondeau. À tout à l'heure, merci Vincent.